Chapitre 7. À la belle étoile. Mais pourquoi des brigands auraient-ils parlé du roi et de monsieur l'intendant? On causait beaucoup en ce temps des faux-sauniers et de leurs exploits. Le grenier à sel donnait lieu à de véritables batailles entre fraudeurs et maltôtiers. Je songeais à cela et à bien d'autres choses encore. Ma curiosité était vivement piquée. Mais il y avait en moi une fièvre bien plus forte que celle de la curiosité. Je me résigne à l'accusation d'invraisemblance. Aucune des respectables personnes qui me liront n'a peut-être couché chez Pied de Vache, au haut des Lys, à l'enseigne du signe de la croix. Aucune ne voudra croire au terrible tourment que je subissais en jouant le rôle d'écouteur. Fâchez-vous si vous voulez, je répéterai le mot. Les puces, les propres filles de celles qui obtinrent par leur taille avantageuse, leur nombre et leur courage, une mention si honorable dans le livre de Bello Gallico, se ruaient sur moi par les fentes de la cloison avec une telle furie que j'en perdais à chaque instant l'équilibre. Nous sommes au siècle des grandes inventions. Cox a trouvé le moyen de respirer au fond de la mer. Montgolfier voyage dans l'air à moitié chemin des astres. Si le génie de nos savants découvre un biais pour utiliser. Mais mon patriotisme m'égare. L'esprit s'étonne en effet des gloires et des prospérités qui seraient alors le lot de cette heureuse terre de Bretagne. Il en passait des milliers et des millions, toutes énormes, toutes enragées, toutes robustes, dures, cuirassées comme de petits homards. Elles avaient une voix, ma parole, elles sifflaient et grondaient. Ah, quel superbe produit! La bonne envie que j'avais de savoir me fit résister quelque temps. J'en immolais bon nombre, qui jamais ne revirent leur famille. Mais évidemment, elles prenaient goût à moi, et leur férocité devint telle que je dus leur abandonner la place. Un instant de plus, et le transport me prenait. Je cédais, parce que le même César l'a dit, la valeur ne peut rien contre le nombre. J'abandonnais le roi, l'intendant et le Judas au sort qui les menaçait. J'ouvris la fenêtre bien doucement, je pris ma valise pour m'en faire un oreiller, mes pistolets à tout événement, et, après m'être habillé de haut en bas, j'allais me coucher roulé dans mon manteau sur les planches de la galerie. Bien entendu, je repoussais la fenêtre, qui devait être une barrière entre moi et la populace des insectes. Par le fait, et sans parti pris de défiance, j'avais ainsi avec moi tout ce qui m'appartenait. Je dormais sur ma fortune et rien de moi ne restait dans ma chambre. Il faisait un très beau temps. Je recommande mon moyen aux voyageurs. Pour être bien dans les auberges de Rennes, il ne s'agit que de passer la nuit sur le balcon. C'est le paradis. Je me préparais sérieusement à faire un maître somme. Mais je comptais sans mon aventure qui était loin d'être finie. Au contraire, elle ne faisait que commencer. L'idée m'est venue bien souvent, en songeant à cette nuit et à ses suites, que les puces de monsieur Pied de Vache étaient fées, et qu'elles m'avaient chassé de chez moi pour obéir au talisman que je portais, le dernier cadeau de ma petite Viviane, la bague faite avec le chanvre qui avait pendu le pauvre chantre de Guidel. Je venais de fermer les yeux, respirant l'air du ciel avec délice, quand un bruit singulier vint inquiéter mon oreille. Je crus d'abord que ce bruit se faisait chez les onze apôtres, dont la croisée donnait aussi sur la galerie. Mais mon premier regard me détrompa. En rouvrant les yeux, je vis, en effet, ma fenêtre éclairée et ma chambre pleine de bras de chemise et de soubre-veste. Les apôtres avaient fait irruption chez moi, et ce n'était pas dans un but pacifique. La plupart d'entre eux avaient la brette à la main, et j'en vis deux qui brandissaient des pistolets d'arçon de taille exceptionnelle. Si j'avais pu concevoir quelques doutes sur leur dessein, le soin qu'ils avaient pris de se voiler le visage à l'aide de leur cholet aurait suffi à me fixer. Je ne pouvais me prendre ni pour le roi, ni pour monsieur l'intendant de la province. J'étais probablement le Judas qu'il fallait supprimer pour le bien de leur mystérieuse entreprise. Les onze apôtres masqués parurent fort surpris de ne point me trouver dans mon lit, dont ils retournèrent les couvertures. Quelques-uns même cherchèrent dessous, en sondant avec leurs épées. D'autres allèrent dans les coins. On ouvrit les armoires, on larda la paille préparée pour Joson. et quand on fut bien sûr que je n'étais plus là, les voix s'élevèrent. « Il est parti ! Il est parti ! C'est bien sûr un Normand ! Il a l'avance ! Pied de vache est un faux frère !» Personne n'eut l'idée de venir voir sur le balcon où j'attendais avec mon épée dans une main, un pistolet dans l'autre. J'étais parfaitement déterminée. S'ils avaient seulement ouvert la fenêtre, j'en faisais une capilotade. Mais ils s'en allèrent comme ils étaient venus, et sans aucun doute, chacun d'eux regagna sa chambre, car au bout d'un quart d'heure, tout bruit avait pris fin dans l'auberge du Cygne de la Croix. Je m'endormis. Je rêvais de Vivette qui m'appelait en souriant. Dans un brouillard gris, le maigre corps de Monsieur Le Gall se balançait en tournant au bout de sa corde. Parmi ces tonnerres lointains que les brisants de Locmenère envoient jusqu'à Guidel les jours de gros temps, il me semblait entendre mon oncle Le Bihan jurer « Calotte à papa, toutes les nièces sont rousses !» Un coq enroué chanta si près de moi qu'il m'éveilla. Une horloge aigre sonna quatre coups. À l'Orient, vers Paris, le ciel se teintait déjà d'un gris rose. Je remarquai cela et j'en tirai un souriant augure. Nous autres de Bretagne, nous sommes un tantinet superstitieux. Ma seconde pensée fut pour Viviane. Elle devait dormir encore, les cheveux épars sur son bras blanc. Elle avait tant pleuré. Si elle savait lire, me disais-je, je lui ferais bien un petit bout de lettre. Quoique je ne sache guère écrire, il faut bien avouer cela. Nous n'étions pas des lettrés chez mon oncle. Vivette avait été à l'école pendant 7 ans. Elle suivait sa messe assez bien quand on ne la changeait pas de paroissien. Mais l'écriture, ah, dame, pour épeler l'écriture, il lui aurait fallu 7 autres années de station chez les bonnes sœurs. On ne peut avoir tous les talents. Elle parlait si bien le galop. Ma troisième pensée, enfin, me reporta vers les événements de la veille. Évidemment, je l'avais échappé belle avec mes voisins les apôtres, et comme je n'avais aucune inclination à exterminer ces rustos ni à me faire massacrer par eux, je résolus de me mettre en route avant leur réveil. Ma toilette ne fut pas longue, je secouai la poussière de mon manteau et je rouvris ma fenêtre. Comme je me rappropriais ainsi, j'entendis quelque chose qui tombait sur les planches de la galerie. Je me baissai. Je retrouvai à mes pieds mon briquet avec la bonbonnière de corne où étaient les cheveux de Viviane et la corde du chantre, tressés ensemble pour faire une manière de bague. Je baisai les cheveux, malgré la corde, et je n'eus point la pensée d'avoir pu égarer quelque autre chose. « Sambleu, me disais-je en riant, il ne faut pas perdre cela. Cela peut être l'amulette qui m'a sauvé cette nuit. Mesdames, ne haussez pas vos trop belles épaules. On ne sait pas. Moi, je n'y croyais pas en ce temps-là. Au moment où j'allais quitter la galerie, mon pied heurta un objet qui rendit un son argentin. C'était la petite bourse de Vivette. Je me baissai, mais ma main, qui tâtonnait sur le plancher de la galerie, rencontra une large fente par laquelle mes 5 louis d'or avaient dû passer. Je me hâtai de descendre et je trouvai Monsieur Pied de Vache déjà debout à la porte de la cour. « Où allez-vous si matin ? » me demanda-t-il pendant que son immense nez se balançait en rougissant. « Je vais à l'endroit d'où vous venez, » répondis-je. « N'avez-vous point ramassé ma bourse ?» Il se mit en colère tout de suite et cria. « Je connais les tours de voleur, mon camarade. Est-ce un jeu pour ne point me payer ?»« Coquin !» répondis-je en le saisissant au collet. « Allume une lanterne et viens m'éclairer sous la galerie où je t'étrangle !» Il obéit. Mais la lanterne venait trop tard. Il n'y avait plus trace de mes louis sur le pavé de la cour. Monsieur Pied de Vache, moins méchant qu'il n'en avait l'air, se laissa fouiller sans résistance. Ses poches étaient vides. Il ne me restait plus qu'à le payer sur les 12 livres de mon oncle. Ce que je fis en gardant la certitude qu'il avait mis ma bourse en lieu de sûreté. « Où allez-vous comme ça, mon jeune prince ?» me demanda-t-il d'un air goguenard au moment où j'enfourchais au pain. « À Paris, » répondis-je, pour le cas où Joson viendrait prendre langue. « Bon, bon, » me dit-il, « c'est la route. On ne vous demande pas vos secrets. Vous étiez donc cette nuit dans la galerie ? Je vous souhaite tout de même un heureux voyage. On peut rafler 30 000 écus d'un coup dans cette affaire-là. J'espère qu'à l'occasion vous direz du bien de mon auberge. »